Et puis j'appelle donc Jean-Arthur Neuhic à me rejoindre à la tribune pour continuer donc sur cette question de la mythification, de la mémoire plutôt, en ce qui le concerne, puisqu'il va nous parler de la mémoire de la première armée, qui a été le sujet de sa thèse, et plus particulièrement dans le département du Haut-Rhin, et la réception, hein, la relation entre la mémoire de cette première armée et la population civile. Donc c'est là une thèse soutenue en 2015, et dont il va venir nous présenter un certain nombre d'aspects et peut-être de nouveautés. Bien, tout d'abord je voudrais traditionnellement remercier la région Grand Est, évidemment la ville de Sedan et le comité d'histoire régionale. Je voudrais commencer par une citation du maire de Colmar, qui eut lieu le 17, 18 et 19 juin 2005, lors du dernier congrès de l'association Rhin Danube, qui regroupait les anciens de la première armée française. Il prononce donc un discours et il explique que Rhin Danube sont deux noms indissociables de Colmar. Ces deux noms sont en effet l'emblème des libérateurs. Je veux alors vous remercier, Monsieur le Président donc, de Rhin Danube, au nom des Colmariens, de la population de la région de Colmar, du conseil municipal de Colmar et en mon nom personnel. Les couleurs de la première armée française sont celles de la ville de Colmar. Aux anciens combattants présents aujourd'hui, j'exprime au nom de la population colmarienne le témoignage de notre immense gratitude. Vous avez droit à notre respect et à notre reconnaissance éternelle. Si ce discours reprend les topoïs habituels des cérémonies commémoratives regroupant des anciens combattants, il faut se demander s'il témoigne d'une marque profonde d'attachement, de communion, voire de passion de la part des civils du Haut-Rhin envers les vétérans de la première armée française. Comment expliquer ces liens étroits ? Sont-ils la conséquence de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale ? Les différentes cérémonies commémoratives organisées par les autorités publiques sont-elles représentatives ou pas du ressenti des civils du Haut-Rhin envers les vétérans de l'armée de Lattre? Je voudrais rappeler tout d'abord que les soldats du général de Lattre sont les premiers à atteindre le Rhin en novembre 1944. Ils libèrent Mulhouse, livrent de durs combats autour de la poche de Colmar. Et enfin, en janvier 1945, ils sauvent Strasbourg alors que les troupes américaines l'ont évacué. Le 2 février 1945, Colmar est libéré. Et comme l'écrit le général de Lattre, la ville vit et fait vivre à ses libérateurs des heures inoubliables. Sa joie s'enfle et se répand en une bourrasque où passent les premiers souffles du printemps. Dans toutes les rues, à tous les carrefours, nos soldats sont entourés, embrassés, acclamés. Quelques semaines plus tard, les Allemands sont chassés de la plaine d'Alsace et le général de Lattre de rajouter « Quelle explosion de joie ! À toutes les fenêtres triomphait le plébiscite des drapeaux. Tous les villages se réveillaient pour accueillir leurs libérateurs. Jamais, au cours de son histoire ardente, l'Alsace n'avait connu semblable fièvre, parce que jamais, sans doute, elle n'avait tant souffert, ni non plus tant espéré. » Alors, ce texte de 1949 est d'abord écrit dans un but d'autopromotion de la part du général de Lattre, alors qu'il ne dispose toujours pas d'un commandement à la mesure de ses ambitions, et il ne révèle finalement pas d'originalité dans l'attitude des civils du Haut-Rhin par rapport à ceux d'autres régions de France qui agissent de la même manière. Si on prend le récit que de Lattre fait du défilé de la victoire le 29 août 1944 à Marseille, il explique qu'il se déroule entre les deux haies d'une foule innombrable, en délire, hurlant sa joie et son enthousiasme, et que le service d'ordre n'arrive pas à contenir. Donc avant de nous attacher à analyser les liens qui unissent les civils du Haut-Rhin et la Première Armée, il faut d'abord préciser qu'il est extrêmement difficile de connaître l'état de l'opinion publique concernant ces troupes. D'abord parce que, sauf exception, il n'existe pas de sondage durant le conflit. L'Alsace, vous le savez bien, est annexée, elle vit sous le régime de la propagande mise en place par le Reich, et l'Alsace ne connaît pas l'armée française. Il est aussi compliqué de connaître l'opinion des Alsaciens concernant ces soldats après la guerre, car nous n'avons pas trouvé de sondage dont le sujet porte sur l'armée de Lattre. Évoquons tout d'abord la première armée française et l'Alsace. Il faut bien sûr rappeler, c'est une évidence, mais que l'annexion a été extrêmement difficile, qui fut sans rapport avec celle des autres départements. Il y a eu une politique de germanisation, de nazification, une population sous contrôle, une répression féroce, une incorporation de force dans le service du travail, dans la Wehrmacht, dans la Waffen-SS. À cela, il faut ajouter un contrôle total de l'économie qui entraîna des restrictions du marché noir, sans oublier la collaboration, le problème des malgré nous. Justement, l'armée française, la première armée française, elle est créée en décembre 1943 et c'est une unité totalement hétéroclite. Elle est composée de forces françaises libres, elle est composée de troupes de l'armée d'Afrique, des corps francs d'Afrique, du corps expéditionnaire français, et il y a déjà des Alsaciens qui sont identifiés dans cette armée. Ces Alsaciens, en fait, ils ont déserté la Wehrmacht en Italie et ils ont rejoint donc l'armée française. D'ailleurs, le général Delattre explique qu'il faut les incorporer le plus rapidement possible dans la première armée. Je voudrais ajouter également que lors de l'amalgame entre les FFI et la première armée, celle-ci a reçu un renfort donc, d'Alsaciens et en particulier de la fameuse brigade donc, Alsace-Lorraine. Sans revenir donc, sur les combats qui ont eu lieu en Alsace, la première armée fit face à une résistance acharnée des troupes allemandes et même à une contre-attaque en direction de Strasbourg en janvier 1945. Or, cette campagne participe à la construction de l'identité de cette unité. Cette unité souffre d'un trouble identitaire et justement, ce trouble identitaire va être en partie comblé grâce à la réalisation d'un blason. Le voici. Non, c'est après. Donc, grâce à la réalisation donc, d'un blason, c'est le général Delattre qui nous explique donc, ce blason. Le hasard préparé par les siècles n'avait-il pas voulu cet écu rouge et vert aux couleurs de notre croix de guerre et rehaussé d'une masse d'armes, singulièrement parlante. De part et d'autre de sa pointe, trois traits d'azur où ondulent les flots des fleuves, leurs noms accouplés, le blason de Rhin et Danube était né. Il rajoute aussi à propos de la victoire de Colmar, on dit que les mères ont une spéciale tendresse pour ceux de leurs enfants qui leur ont donné le plus de peine, et c'est peut-être pourquoi la première armée française a choisi cette victoire comme symbole central de toutes les victoires. Alors cette première armée française, avant d'entrer en Allemagne, elle est reconstituée donc, en Alsace. Les troupes sont mises au repos, mais elles sont également reprises en main, voire on va apprendre le métier des armes, en particulier à tous les FFI donc, qui ont été amalgamés. Et ces soldats sont des exemples, ils ont une attitude exemplaire donc, en Alsace. C'est un ordre du général Delattre. À la veille de porter en Allemagne les couleurs françaises, les troupes de la première armée doivent veiller plus encore à paraître ce qu'elles sont, des troupes d'élite. Bien évidemment, les civils du Haut-Rhin voient ces soldats qui sont des soldats à l'attitude impeccable. Mais le général Delattre dispose également d'un service de propagande extrêmement efficace qui fournit des nouvelles aux médias militaires ainsi qu'aux médias civils. Et l'Alsace va être, passez-moi l'expression, c'est la guerre, va être bombardée par toute une série de revues qui sont éditées donc par les services de Delattre. Donc toute une série de revues, je vous en ai mis quelques exemples. Donc vous voyez, ici on a Strasbourg sauvegardée, la première armée française victorieuse, c'est toute la campagne d'Alsace. La libération de Mulhouse, comment fut libérée l'Alsace, voilà. Ces revues sont toutes réalisées de la même manière, elles sont distribuées aux civils. Donc il y a un rappel historique des différentes victoires avant l'Alsace. Et à chaque fois, eh bien, on a des images, des défilés, des combats, de la libération. Et beaucoup de photographies avec des Alsaciennes en costume traditionnel, comme on peut le voir sur la dernière revue. Le service presse-documentation a un objectif mémoriel clairement défini, le dit d'ailleurs, je l'ai trouvé dans les archives, et en plus, il distribue des cartes postales, des foulards, des jouets auprès donc de la population civile. Les médias civils ont également un rôle important. J'ai pris deux exemples, le Républicain du Haut-Rhin, par exemple, Républicain du Haut-Rhin qui est... Non, c'est pas celui-là. Républicain du Haut-Rhin qui est édité donc à Mulhouse. C'est intéressant parce que ce Républicain du Haut-Rhin, il est publié à la fois en français et en allemand, hein, en raison de la germanisation. Et ce Républicain du Haut-Rhin, ainsi que l'Alsace, nouvellement créée à la Libération, n'arrête pas de publier les comptes rendus du quartier général de la Première Armée française, publie les combats de la Première Armée française et surtout la libération de tous les villages donc, d'Alsace et l'action des troupes donc, de Delattre. Bien évidemment, les articles de fond donc, développent ces thèmes avec les FFI locaux donc, amalgamés, donc des civils qui prennent un uniforme, hein, bien évidemment. On retrouve des effets classiques hein, auprès de la presse, des effets de proximité classiques à toutes les formes de presse régionale. Et puis, bien évidemment, le grand défilé, c'est le 20 février 1945, la cérémonie franco-américaine, hein, bien sûr, puisque Delattre a été le seul général français qui a commandé donc, des divisions américaines hein, durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, ce défilé de la victoire, où on voit la communion totale entre les civils du Haut-Rhin donc, et cette armée, avec les photographies donc, du service cinématographique des armées, l'enthousiasme intact de ces jeunes Alsaciens. Notons également que ces jeunes Alsaciens organisent la semaine de la première armée française. Ils collectent des dons pour les blessés et pour améliorer le quotidien des soldats de la première armée. Dans l'après-guerre, on va avoir la construction donc, d'une mémoire. Cette construction d'une mémoire, elle se fait évidemment avec des cérémonies commémoratives. Et l'Alsace est tout à fait originale par rapport au reste de la France. On va dire que dans le reste de la France, à Montpellier, à Lyon, ce sont des cérémonies très sérieuses qui tendent progressivement à l'ennui. Les vétérans de la Première Armée française sont d'ailleurs souvent exclus de ces cérémonies, comme c'est le cas à Montpellier, où pour le deuxième anniversaire de la Libération, ce sont les FFI qui mettent en avant leur rôle et les soldats de la Première Armée sont totalement oubliés. Alors, ces cérémonies, prenons la première donc, de ces cérémonies. On l'a ici. La première de ces cérémonies a lieu le 24 juin 1945, c'est-à-dire que Colmar n'attend pas les 1 an de la libération de la ville. Donc toute la ville s'est drapée donc, de tricolore, c'en était un véritable ruissellement. Évidemment, il y a des offices religieux, des passages aux monuments aux morts. Les écoliers, les collégiens et les lycéens, au nombre de 6 000, participent aux fêtes de la libération avec des drapeaux. Il y a les discours officiels du général Delattre, des généraux de son état-major. Et puis, il y a évidemment le défilé. Le maire prononce un discours, le général Delattre prononce également un discours. Il est ovationné par la foule. Et la cérémonie se termine par un banquet, par un défilé de chars confectionnés par les habitants, un feu d'artifice et un bal populaire. On retrouve la même chose dans les villages, par exemple à Tannes, donc près de Mulhouse. On a une participation donc populaire à l'occasion de la cérémonie des Trois Sapins, une très vieille fête donc de la ville. On retrouve le général Delattre, on retrouve les officiers, on retrouve de la même manière le défilé militaire. Et là encore, la fréquentation est telle que la SNCF est obligée d'ajouter des trains supplémentaires. Comme à Colmar, le général Delattre s'adresse à la foule et visiblement il trouve les mots justes qui enflamment cette foule. « Vous et nous ne sommes qu'une âme ». Les commémorations se pérennisent, donc je ne vais pas revenir évidemment sur toutes les commémorations, ça serait évidemment trop long. Juste, il faut noter que lors de ces commémorations, évidemment, le général Delattre va mourir, et il meurt d'un cancer, et il va être remplacé lors de ces commémorations par Madame Delattre, qui va porter donc la mémoire du général Delattre, et par toujours ses officiers. Voilà, on a par exemple le 20e anniversaire de la Libération. Je n'ai pas trouvé de bonnes photos sur la cérémonie donc, du 50e anniversaire, mais même pour le 50e anniversaire, on a également une participation très importante avec un défilé militaire considérable, avec 3 Mirage F1, 1200 militaires, 500 vétérans, 70 véhicules, des AMX-10, des AMX-30 et 5 ministres. Le bilan de ces fêtes, c'est que ces fêtes sont organisées par les autorités locales, par les représentants d'État, en particulier le préfet, et même par des ministres. Les militaires sont les invités d'honneur, et Delattre en particulier, qui ne va pas forcément dans les autres villes de France. La population civile est présente, et les photographes s'attachent évidemment à ces Alsaciennes dans leurs costumes traditionnels. Les défilés militaires sont l'occasion de références partagées. Les civils, pourquoi sont-ils là? C'est la question qu'on peut se poser. Sont-ils là pour la cérémonie ou sont-ils là pour les bals populaires, pour le feu d'artifice? Peut-être sont-ils là pour les deux, finalement. Autre élément, c'est que la presse également va être porteur donc, de cette mémoire. Et je vous ai mis donc une publication totalement historique pour le 50e anniversaire, des publications en particulier du journal L'Alsace. Mais on a également des lieux de mémoire. Les lieux de mémoire, c'est le cas par exemple de la nécropole de Sigolsheim, pardonnez mon accent, qui se trouve donc à proximité de Colmar. C'est une nécropole qui a été réalisée à l'initiative de l'État et des anciens de la première armée. Donc on a une échelle différente. Ils se mettent d'accord en 1962 et ils créent donc cette nécropole qui est un espace partagé entre les civils et les militaires. Je pense que cette nécropole, dont j'ai mis quelques tombes, je pense que cette nécropole est avant tout un espace partagé depuis une vingtaine ou une trentaine d'années avec le développement du tourisme de mémoire. Auparavant, c'était surtout une nécropole où les reins et Danube allaient se recueillir. Mais aujourd'hui, dans ce vaste mouvement qui s'est lancé depuis une vingtaine d'années, on a véritablement un espace partagé. Et pas seulement avec des Alsaciens, puisqu'il y a des gens qui viennent de toute la France, voire de l'étranger. Autre lieu de mémoire, c'est un monument à la gloire de la première armée française. Et là, on est sur une échelle locale, puisque c'est la mairie de Colmar qui a voulu créer donc ce parc en l'honneur de cette première armée française. La municipalité de Colmar a été trop juste dans son budget et elle n'a pas l'argent pour le construire. Elle fait appel à l'État par l'intermédiaire du préfet et à l'association Rhin et Danube. Le préfet va solliciter les entreprises de la région. Et ce qui est intéressant, c'est que les entreprises de la région, ce qui montre l'adhésion de ces civils, eh bien, vont fournir des fonds pour la réalisation de ce mémorial. C'est par exemple la société Peugeot de Mulhouse, l'entreprise Meyer-Sensbeuf de Guebwiller, ou la société Manurin également de Mulhouse. Alors, il y a toute une série de stèles, hein, évidemment, sur lesquelles je ne m'appesante pas. Tirez pas, mais on a toute l'histoire de cette première armée française avec une surreprésentation des événements qui se sont déroulés en Alsace. On a également la municipalité, les municipalités qui créent des places, qui donnent des noms à des avenues et qui adorent le char d'assaut. Le char d'assaut, j'ai appelé ça une mémoire d'acier. Hein, on aime mettre des chars d'assaut un petit peu partout. Voici un exemple donc à Colmar. Et voici un autre exemple dans la banlieue de Colmar à Kienzheim. Excusez mon accent là encore. Ce sont là encore à la fois ce mémorial ou ces mémoires d'acier. Ce sont des espaces partagés entre les civils et les militaires. Je dirais plutôt entre les civils locaux, parce que autour de ces mémoires d'acier, lorsqu'on peut s'y installer, il y a des bancs. Et surtout dans le mémorial de Colmar, et c'est quelque chose que j'ai vu, on a des familles qui viennent avec leurs enfants pour profiter de ces espaces. Maintenant, là aussi, la question se pose, y a-t-il une identification, une adhésion à cette mémoire ? Je voudrais évoquer également la place des municipalités qui, par leurs publications, qui sont très anciennes, j'ai mis deux exemples, un grand écart entre la première année et le 50e anniversaire, donc rappellent et deviennent des passeurs de mémoire de cette mémoire donc de la libération et en particulier de la première armée française. Enfin, j'ai trouvé quelques publications de la part d'élèves, des établissements donc de Colmar, qui, alors l'histoire de la libération de l'Alsace n'est pas au programme de l'éducation nationale, mais sur leur temps libre, ont réalisé des petits travaux de recherche. J'en ai un, par exemple, du lycée Camissé de Colmar. Ça s'appelle TD, alors Tank Destroyer Berry et la libération de l'Alsace. J'ai même un livre qui a été édité, La libération de Guebwiller et des environs, par les terminales BEP des métiers du secrétariat et de la comptabilité. Donc c'est assez intéressant sur la jeunesse qui est toujours intéressée par cette libération et qui aussi porte toujours cette mémoire. Alors je vous ai dressé un bilan assez flatteur, mais y a-t-il des limites mémorielles? Est-ce que tous les Alsaciens ont adhéré à cette mémoire? Y a-t-il des civils qui ont été exclus ou qui se sont volontairement exclus? Je n'ai rien trouvé de tel, mais il y a peut-être une contre-mémoire qui s'est développée. Il faut savoir que lorsque la première armée française est arrivée en Alsace, les troupes se sont mal comportées. Il y a eu de nombreuses exactions, en particulier avec les troupes coloniales qui n'ont pas compris l'annexion. Et lorsque ces troupes coloniales arrivaient dans des maisons où des images des Alsaciens qui étaient engagés dans la Wehrmacht se trouvaient dans les maisons, il y a eu de nombreuses exactions. Et il a fallu que le général Delattre et ses officiers reprennent les troupes en main d'une manière très sévère pour éviter des problèmes beaucoup plus larges. De la même manière, après la guerre, il y a eu également des problèmes, plus précisément à Roufac, où là encore, les troupes coloniales sont démobilisées et attendent leur départ en direction donc de l'Afrique du Nord. Là encore, il y a des exactions, la gendarmerie est saisie, il y a des plaintes, la presse s'empare du sujet, et le général Delattre de Tassigny, qui est alors inspecteur général de l'armée de terre, est obligé donc de se saisir du problème et de faire accélérer donc le retour de ses troupes en Afrique du Nord. Alors cette contre-mémoire, elle n'a jamais émergé. Alors, on peut se poser plusieurs questions, bien évidemment. Les victimes, finalement, étaient-elles peu nombreuses? Ou alors, ces victimes étaient-elles inaudibles face à la puissance et l'enthousiasme du reste des Alsaciens? Pour conclure, je voudrais, bien évidemment, évoquer la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Et comme partout en France, la communion, la passion, l'attachement, eh bien, ce délit est en train de disparaître. Je prends pour étayer mon propos la cérémonie de janvier-février 2010, celle du 55e anniversaire. C'est une cérémonie donc, qui dure deux jours. La cérémonie religieuse est présidée par Jacques Chirac, président de la République. Et cette cérémonie, elle a bien changé par rapport à ce que j'ai pu vous décrire précédemment. La cérémonie est avant tout religieuse. C'est une cérémonie de recueillement. Cette cérémonie, elle a lieu à Siegolsheim. Elle a lieu au mémorial de la première armée française, donc à Colmar. Il n'y a pas de défilé militaire. Il n'y a pas de bal populaire, il n'y a pas de feu d'artifice. Et si cette cérémonie, je pose aussi la question, si cette cérémonie est organisée de la sorte, c'est peut-être parce que la population donc, de l'Alsace, les civils du Haut-Rhin, commencent eux aussi, comme le reste de la France, à oublier cette première armée française. Je vous remercie pour votre attention.